je prenne l'air OP comme jamais. Certains vont prendre cher comme Sony. Je frappe ces bitches, genre Bobby Brown ou Ike Turner. C'est la journée de la femme à n'importe quelle heure. Les MC tapinent pour les filles, code du beau linge. Electro funk, le beat est trop dingue. Sors pas le gros gun, t'as qu'à pas de problème. Ils jurent sur leur madre, leur padre et le prophète. Pour que dans l'enfête, on s'en bat les couilles, merde. Laisse pas tes empreintes sur les douilles, mec. Ils se sentent tous pousser les couilles après une bouteille, c'est ouf, je remets de l'eau dans ce bordel. Je viens réguler le game comme un Irlandais de South Boston. Un sale son, je fais sale comme Manila Bat, comme Ray Donovan. Manila Bat, comme Ray Donovan. Je viens réguler le game comme un Irlandais de South Boston. Un sale son, je fais sale comme Manila Mike, comme la Bat, façon Donovan. Manila Mike, comme la Bat, façon Donovan. Niger, trois quarts bolide, bastos. Débarque en ville, LDA de los muertos. Business, Z la bif. Clando, les chicorées, le parterre, bienvenue dans mon barrio. 1000 vues, YouTube, 2000, 10 000. Pas de thunes, les poches vides, bienvenue dans la vraie vie. Cayenne, villa, piscine, gros clip. Location 3 heures pour faire toutes les conneries. Ils se prennent pour les rockstars, derrière pas de vente. Alors que Smicard fera 13 000 par an. RSA, très au moins, arrêtez de parler d'argent. Des putains d'imitations, rien de vrai, c'est flagrant. Je crois que j'ai niqué un concept, c'est pas grave. Revenez dans le monde réel, ce sera déjà pas mal. T'as l'eau chaude à bouffer, une paire de Air Max. Crois pas non plus que ton barrio c'est Bagdad. Je viens réguler le game comme un Irlandais de South Boston. Un sale son, je fais sale comme Manila Bat, comme Ray Donovan. Manila Bat, comme Ray Donovan. Je viens réguler le game comme un Irlandais de South Boston. Un sale son, je fais sale comme Manila Mike, comme la Bat, façon Donovan. Manila Mike, comme la Bat, façon Donovan. Niger, trois quarts bolide, bastos. Débarque en ville, LDA de los muertos. Business, Z la bif. Clando, les chicorées, le parterre, bienvenue dans mon barrio. Montpellier All-Star, génération Scarface. Je leur ai fait trop mal, je réitère 15 ans après. Le son des Youva depuis l'époque de nos freestyles. Mon lacidi, monsieur KR et Samra. Je suis le Highlander, je vois que des Lambert Christophe dans le secteur obsolète comme Solar au Chris Cross. Lubi, Fiscos, West Coast, je brille comme une paire de Weston. Je les ai vus tourner le veston. Revenir tête baissée pour s'affranchir d'une sanction méritée. Méditez sur vos actes médiocres, fils de pute, avant que je vous casse le huc. Donc sur cette pure instru, je vous pisse dessus. Je viens réguler le game comme un Irlandais de South Boston. Un sale son, je fais sale comme Manila Bat, comme Ray Donovan. Manila Bat, comme Ray Donovan. Je viens réguler le game comme un Irlandais de South Boston. Un sale son, je fais sale comme Manila Mike, comme la Bat, façon Donovan. Manila Mike, comme la Bat, façon Donovan. Niger, trois quarts bolide, bastos. Débarque en ville, LDA de los muertos. Business, Z la bif. Clando, les chicorées, le parterre, bienvenue dans mon barrio.